Salut toi, tu écoutes le podcast Action Élection, qui fait le point sur les élections européennes le 9 juin prochain. L'autre fois, on avait un peu parlé d'histoire avec les dates clés de cet événement. Aujourd'hui, on va faire un peu de géographie. Je t'emmène découvrir les différents lieux, les différentes institutions qui composent l'Union européenne. Allez viens, suis-moi. Pour bien faire fonctionner l'Union européenne, il faut donc des institutions. Et au total, elles sont au nombre de 7. D'abord, et le plus important, il y a le Parlement européen. Il siège à Strasbourg, mais il a aussi deux autres lieux de travail, à savoir Bruxelles et Luxembourg. Ici, les députés représentent 447 millions de citoyens européens et sont élus tous les 5 ans. Oui, c'est ça, c'est pour eux que tu vas voter. Leur travail, c'est de modifier et de voter les lois proposées par la Commission européenne, et ils décident aussi du budget de l'Union européenne. Par exemple, en 2020, ils ont voté une loi en faveur du climat, en fixant des objectifs pour réduire les gaz à effet de serre. Il y a ensuite le Conseil européen. Cette grosse réunion a lieu à Bruxelles, avec les 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres. On peut par exemple retrouver le président français, le chancelier allemand, la première ministre italienne. Ils se réunissent pour fixer les grandes directions politiques de l'Union européenne. On peut citer comme exemple juillet 2020, moment où ils ont décidé de lancer un plan de 750 milliards d'euros pour aider les pays de l'UE à se remettre de la crise du Covid-19. Troisième institution, et attention à ne pas confondre le Conseil européen du Conseil de l'Union européenne, souvent appelé simplement le Conseil. Cette fois-ci, il réunit non pas les dirigeants, mais les ministres, qui varient selon le sujet en discussion. Ici, le Conseil de l'Union européenne représente et défend les intérêts des États membres. Il négocie et adopte les lois avec le Parlement européen. En 2022, le Conseil s'est réuni avec les ministres de l'énergie des États membres pour discuter des mesures à prendre face à la hausse des prix de l'énergie. Ils ont alors approuvé un plan qui assure une sécurité énergétique pour faire face à la perturbation des approvisionnements en gaz russe. Il y a ensuite la Commission européenne, autre institution clé, un peu comme un chef d'orchestre de l'Union européenne. Composée de 27 commissaires, un par État membre, elle propose des lois et veille à leur application. Elle a aussi d'autres missions, comme gérer le budget de l'Union européenne et elle la représente à l'étranger. Par exemple, en 2019, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030. Et puis, il y a aussi le juge de l'UE, la Cour de justice de l'Union européenne. Elle vérifie que tout se passe selon les règles, que les États membres respectent les obligations des traités. Il y a quelques semaines, la Cour de justice a pris une décision assez importante. Elle a décidé que certains États évaluent les pesticides de manière incorrecte, car ils ignoraient les avancées scientifiques récentes et se basaient sur des vieilles études industrielles. Avant-dernière institution, la Cour des comptes européenne. Elle s'assure que les recettes et dépenses de l'UE sont correctement collectées et utilisées, surveille ceux qui gèrent les fonds de l'UE et signale les soupçons de fraude, de corruption ou d'autres activités illégales. Chaque année, la Cour publie un rapport sur l'état du budget de l'UE. Et en 2022, elle confirme que 4,2% des dépenses, soit plus que les 3% de 2021, contenaient des erreurs, des irrégularités qui sont principalement dues à certaines règles complexes. Et enfin, toujours dans le thème de l'argent, il y a la Banque Centrale Européenne, la BCE. Elle n'intervient que sur les questions liées à l'euro. Elle veille à la stabilité des prix et gère les réserves de devises. Par exemple, lors de la crise de 2008, la crise des subprimes, elle est intervenue. Elle a injecté 155,85 milliards d'euros dans les banques pour les aider. Un gros coup de pouce financier. En gros, pour résumer, retiens que c'est le Parlement qui fait les lois et le budget, le Conseil européen qui décide des grandes orientations, la Commission qui propose les lois et la Cour de justice vérifie que tout est légal. Et toi justement, c'est pour les députés du Parlement européen que tu vas voter. En attendant, tu peux retrouver le reste des épisodes de Action Élection sur le site fadjet.net. Alors rendez-vous aux urnes le 9 juin prochain et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.